Lévitique chapitre 16. Or l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux enfants d'Aaron, lorsque ces temps approchaient de la présence de l'Éternel, ils moururent. L'Éternel donc dit à Moïse, parle à Aaron ton frère, et lui dit qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure point, car je me montrerai dans une nuée sur le propitiatoire. Aaron entrera en cette manière dans le sanctuaire, après qu'il aura offert un veau du troupeau pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la sainte chemise de lin, ayant mis les caleçons de lin sur sa chair, et il se ceindra du baudrier de lin, et portera la tiare de lin, qui sont les saints vêtements, et il s'en vêtira après avoir lavé sa chair avec de l'eau. Et il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël deux jeunes boucs en offrande pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Puis Aaron offrira son veau en offrande pour le péché, et fera propitiation tant pour soi que pour sa maison. Et il prendra les deux boucs, et les présentera devant l'Éternel, à l'entrée du tabernacle d'assignation. Puis Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel, et un sort pour le bouc qui doit être Azazel. Et Aaron offrira le bouc sur lequel le sort sera échu pour l'Éternel, et le sacrifiera en offrande pour le péché. Mais le bouc sur lequel le sort sera échu pour être Azazel, sera présenté vivant devant l'Éternel pour faire propitiation par lui, et on l'enverra au désert pour être Azazel. Aaron donc offrira son veau en offrande pour le péché, et fera propitiation pour soi et pour sa maison, il égorgera, dis-je, son veau qui est l'offrande pour le péché. Puis il prendra plein un encensoir de la braise du feu qui est sur l'autel devant l'Éternel, et ses pleines paumes de parfum de drogue pulvérisée, et il l'apportera de la maison dans le voile, et il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, ainsi il ne mourra point. Il prendra aussi du sang du veau, et il en fera aspersion avec son doigt au devant du propitiatoire vers l'Orient, il fera, dis-je, aspersion de ce sang-là cette fois avec son doigt devant le propitiatoire. Il égorgera aussi le bouc du peuple, qui est l'offrande pour le péché, et il apportera son sang au-dedans du voile, et fera de son sang comme il a fait du sang du veau, en faisant aspersion vers le propitiatoire, sur le devant du propitiatoire. Et il fera expiation pour le sanctuaire, le nettoyant des souillures des enfants d'Israël, et de leurs fautes, selon tous leurs péchés, et il fera la même chose au tabernacle d'assignation, qui demeure avec eux au milieu de leurs souillures. Et personne ne sera au tabernacle d'assignation, quand le sacrificateur y entrera pour faire propitiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte, lorsqu'il fera propitiation pour soi et pour sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. Puis il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et fera expiation pour lui, et prenant du sang du veau et du sang du bouc, il le mettra sur les cornes de l'autel tout alentour. Et il fera par cette fois aspersion du sang avec son doigt sur l'autel, et le nettoiera et le sanctifiera des souillures des enfants d'Israël. Et quand il aura achevé de faire expiation pour le sanctuaire, et pour le tabernacle d'assignation, et pour l'autel, alors il offrira le bouc vivant. Et Aaron posant ses deux mains sur la tête du bouc vivant, confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, et toutes leurs fautes, selon tous leurs péchés, et il les mettra sur la tête du bouc, et l'enverra au désert par un homme exprès. Et le bouc portera sur soi toutes leurs iniquités dans une terre inhabitable, puis cet homme laissera aller le bouc par le désert. Et Aaron reviendra au tabernacle d'assignation, et quittera les vêtements de lin, dont il s'était vêtu quand il était entré au sanctuaire, et les posera là. Il lavera aussi sa chair avec de l'eau dans le lieu saint, et se revêtira de ses vêtements, puis étant sorti, il offrira son holocauste, et l'holocauste du peuple, et fera propitiation pour soi, et pour le peuple. Il fera aussi fumer sur l'autel, la graisse de l'offrande pour le péché. Et celui qui aura conduit le bouc pour être Azazel, lavera ses vêtements et sa chair avec de l'eau, puis il rentrera au camp. Mais on tirera hors du camp, le veau et le bouc qui auront été offerts en offrande pour le péché, et desquels le sang aura été porté au sanctuaire pour y faire propitiation, et on brûlera au feu leur peau, leur chair, et leur fiente. Et celui qui les aura brûlés, lavera ses vêtements et sa chair avec de l'eau, après quoi il rentrera au camp. Et ceci vous sera pour une ordonnance perpétuelle. Le dixième jour du septième mois vous affligerez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, tant celui qui est du pays, que l'étranger qui fait son séjour parmi vous. Car en ce jour-là le sacrificateur fera propitiation pour vous, afin de vous nettoyer, ainsi vous serez nettoyés de tous vos péchés en la présence de l'Éternel. Ce vous sera donc un sabbat de repos, et vous affligerez vos âmes, c'est une ordonnance perpétuelle. Et le sacrificateur qu'on aura oint, et qu'on aura consacré pour exercer la sacrificature en la place de son père, fera propitiation, s'étant revêtu des vêtements de lin, qui sont les saints vêtements. Et il fera expiation pour le saint sanctuaire, pour le tabernacle d'assignation, et pour l'autel, et pour les sacrificateurs, et pour tout le peuple de l'assemblée. Ceci donc vous sera pour une ordonnance perpétuelle, afin de faire propitiation pour les enfants d'Israël de tous leurs péchés une fois l'an, et on fit comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse.